إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 34 dans la lecture du charh de Al-Aqidah Al-Hamawiyya, Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra. Et donc on le fait maintenant avec le charh de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, et on profite également du charh du charh de Cheikh Salih Al-Sheikh. Akhi, si tu veux t'asseoir de ce côté-là, ce sera plus facile pour moi. Parce que, étant donné que là-bas c'est plus loin. Barakallahu fik. Tayyib. Naam. Donc, on est arrivé dans Al-Fatwa Al-Hamawiyya, comme on l'avait expliqué au dernier cours, aux citations donc, et aux paroles des salafs. Maintenant, qu'est-ce que les salafs ont mentionné au sujet des noms et des attributs. Et donc, tout ce qui a précédé, c'était les règles et la réfutation des principes et des règles utilisées par les gens de Kalam pour nier les attributs d'Allah ou pour changer ou déformer le sens de ces attributs. Donc on a réfuté ces points-là avec les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et les explications de Cheikh Salih al-Fawzan. Maintenant, on passe à, Inch'Allah, l'autre partie du livre, qui est en fait des citations des paroles des ulama, des salaf. Et il commence du début, c'est-à-dire en donnant des exemples des paroles des salaf, puis après, c'est-à-dire des sahaba, puis des tabi'in, puis des tabi'in, et il avance comme ça chronologiquement vers de plus en plus vers son époque. Il y a des livres de ce genre aussi qui ont été écrits par l'imam al-Dhahabi, comme un livre qui s'appelle Al-Arsh et un livre aussi qui s'appelle Al-Ulu de l'imam al-Dhahabi. Et Cheikh Mohamed Nasiruddin al-Albani a fait le tahqiq de ce livre. Et il y a aussi le livre de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui est l'élève de Ibn Taymiyyah, qui s'intitule Ijtima' Julush al-Islamiyya. Donc ça aussi c'est un livre qui est dans le même genre, qui ramène les paroles des salafs et des ulama au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui les mentionne et qui réfute par ces paroles-là les paroles des Mu'tazila et des Jahmiya et des Asha'ira et des Maturidiyya, et de ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon générale, que ce soit la négation totale comme les Jahmiya, ou bien la négation partielle comme les autres groupes qui sont venus après, les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyya, et ainsi de suite. Donc là, on est rendu à la parole au sujet de Al-Istiwa et Al-Fawqiyya. Donc, qu'est-ce que les salafs ont dit au sujet de Al-Istiwa, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala se soit élevé au-dessus de son trône, et Al-Fawqiyya, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est fawq, c'est-à-dire au-dessus de sa création. Donc, le cheikh, il cite premièrement une parole qui est attribuée à Rabi'atul Ra'i. Rabi'a ibn Abdurrahman, ou ibn Abi Abdurrahman, c'est le cheikh de l'imam Malik ibn Anas. Donc c'est rapporté par Al-Khalal dans son livre Al-Sunnah. Il dit Rawa Al-Khalal bi-isnadin ou bi-na'am bi-isnad wa kulluhum a'imma thiqat. كلهم أئمة ثقات عن سفيان ابن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق نعم. Donc ça c'est la parole qui est rapportée, comme on a dit, par Rabi'a. Et cette parole, elle est, comme on a dit, elle est attribuée à Rabi'a, qui est le cheikh de l'imam Malik. Et on va lire donc un petit peu de qui est une courte biographie de l'imam Rabi'a ibn Abi Abdurrahman Farrukh. Son nom c'est ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فروخ أبو عثمان. C'était le mufti de Médine. Al-Qurashi At-Taymi. Il est de la tribu de Quraysh. At-Taymi. مشهور بربيعة الرأي. On l'appelle ربيعة الرأي. وكان من أئمة الاجتهاد. وكان من أئمة الاجتهاد. Donc c'était un grand imam parmi ceux qui faisaient l'ijtihad, qui donnait les fatwas. L'imam Malik a dit à son sujet ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة انتهى كلامه. Donc depuis que Rabi'a est mort, la douceur du fiqh est partie. Donc ça c'était une parole qu'il mentionnait à son sujet. Également Abdul Aziz ibn al-Majishun, il dit والله ما رأيت أحوط لسنة أحوط لسنة من ربيعة والله ما رأيت أحوط لسنة من ربيعة انتهى كلامه. Donc ça c'est la parole de Ibn al-Majishun. On va donner la biographie de Ibn al-Majishun bientôt, parce que il fait partie des ulama que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah justement a cité, et c'est un des compagnons et des élèves de l'imam Malik ibn al-Majishun, un grand imam parmi les imams. Peut-être qu'on pourrait même mentionner tout de suite ça. Bon, on va juste traduire qu'est-ce que ça signifie, sa parole. Il dit par Allah, je n'ai jamais vu de quelqu'un qui enveloppait plus, qui avait une connaissance plus complète de la sunna que Rabi'a. Et il est mort en l'an 136. C'est-à-dire l'imam Rabi'a, il est mort en l'an 136. Et comme on a dit, c'était le cheikh de l'imam Malik. Donc qu'est-ce qu'il a dit dans cette parole, cet imam? Donc premièrement, il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, que ça c'est rapporté par Al-Khalal. On a déjà mentionné qui était Al-Khalal, un compagnon de l'imam Ahmad, un de ses élèves, qui a écrit un livre qui s'appelle la Sunna, dans lequel il ramène les positions des salafs sur différentes questions qui ont rapport avec la aqida et le manhaj des salafs. Et le livre, il existe, et il est publié, et il est en vente dans les librairies, dans les pays musulmans, en général, on le trouve. Il a plusieurs volumes, ce livre. Et dans la chaîne de transmission, il dit que c'est une chaîne de transmission. Tous les gens qui sont dans cette chaîne de transmission sont des imams, et sont des imams fiables, et qui sont fiqat. C'est rapporté, tous le rapportent selon Sufyan ibn Uyayna. Et ils disent que Rabi'a ibn Abi Abdurrahman a été questionné au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Allah a dit dans Surah Taha, verset 5, Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. C'est-à-dire le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Comment s'est-il élevé? Kayfa stawa? Alors Rabi'atul Ra'i, il a répondu, il a dit al-istiwa ghayru majhoul, c'est-à-dire le terme istiwa, le fait de s'élever au-dessus de quelque chose ou de monter sur quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui est inconnu. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est connu. Hein. C'est un mot connu dans la langue arabe. C'est pas, on ne l'ignore pas. Ce n'est pas quelque chose qui est ignoré. Et le comment, c'est-à-dire comment Allah subhanahu wa ta'ala s'élève sur le trône, ce n'est pas quelque chose qui est compréhensible par la raison. C'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre rationnellement ou qu'on peut essayer d'imaginer ou de comprendre par la raison. ومن الله الرسالة et le message vient d'Allah subhanahu wa ta'ala وعلى الرسول البلاغ المبين et la transmission claire est incombante sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire c'est au messager de transmettre de façon claire وعلينا التصديق et nous n'avons que à accepter et à croire en ce qui a été dit. Donc, le rôle du messager, c'est de transmettre, et notre rôle à nous, c'est de croire. On n'a pas à commencer à rentrer dans qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé à propos de lui-même, et à commencer à essayer de changer son sens et à remettre en question les choses qu'il nous a mentionnées à propos de sa personne. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui a été dit au sujet de cette parole. Maintenant, on va lire l'explication, qu'est-ce qui a été dit, par Cheikh Ibn Baz à propos de cette citation. Premièrement, avant de lire la parole de Cheikh Ibn Baz, juste pour mentionner, il dit, Ibn Taymiyyah, il dit, وَهَذَا الْكَلَامُ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ تِلْمِيذُ رَبِيعَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ. Donc, cette parole, elle est rapportée également selon l'imam Malik ibn Anas aussi, qui est l'élève de Rabi'a. Et il est rapporté, cette parole est rapportée de plusieurs façons. Hein, de plusieurs façons. Et il y a un livre justement qui est à ce sujet-là, écrit par le Cheikh Abdul Razak, le fils de Abdul Muhsin al-Abbad. Le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Et dans ce livre, il ramène toutes les différentes riwayats de l'imam Malik qui parle de cette parole et il les explique également. Donc c'est un livre très bénéfique au sujet de cette narration de l'imam Malik ibn Anas. Donc vous la trouverez facilement cette explication et ce livre de Cheikh Abdul Razak, vous le trouvez facilement sur internet. Donc Cheikh Ibn Baz, qu'est-ce qu'il dit? Qala samahatu Cheikh رحمه الله وهذا هو الواجب على أهل العلم والإيمان أن الله جل وعلا بعث نبيه بالرسالة والبلاغ فالواجب على الأمة التصديق والقبول فما فسره لهم رسولهم فسروه وما كف عنه كفوا عنه وما جاهلوه قالوا الله أعلم فلا يجوز لهم التعنت والتكلف في شيء ما جاءت به السنة ولا بلغه إياهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني التابعي الجليل شيخ مالك رحمه الله الاستواء غير مجهول يعني معروف المعنى وأنه العلو فوق العرش والكيف غير معقول لا نعرف كيف استوى علينا الصمت والكف ومن الله الرسالة الله أرسل الرسول وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق هذا واجبنا أن نصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ننقاد له ونتبعه فإذا عرفنا معناه فالحمد لله وإذا لم نعرف وكلناه إلى الله وقلنا الله أعلم. Donc, le Cheikh Ibn Baz, il commence en disant que c'est ce qui est obligatoire pour les hommes de science et de foi. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec le message et la transmission. Donc, l'obligation pour la Ummah, c'est de croire et d'accepter ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a expliqué. Alors, on l'explique. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est abstenu de nous expliquer, alors on s'en abstient nous aussi. Et ce qu'on ignore, on dit à son sujet, Allahu a'lam, c'est-à-dire Allah a plus de science à ce sujet-là. Et il n'est pas permis d'exagérer ou de se forcer ou de rentrer dans des explications compliquées sur des choses qui n'ont pas été ramenées par la sunna et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas transmises. Et c'est pour cette raison que l'imam Rabi'a ibn Abdurrahman al-Madani, c'est-à-dire qui vient de Médine, qui vivait à Médine, qui était un tabi'i, un élève des sahaba, un grand élève parmi les élèves des sahaba, le cheikh de l'imam Malik, il disait, rahimahullah, al-istiwa ghair majhoul, c'est-à-dire le fait de s'élever, c'est pas quelque chose, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône, c'est pas quelque chose qui est inconnu. C'est-à-dire, Cheikh Ibn Baz, il dit, ça veut dire que sa signification, elle est inconnue. Sa signification, elle n'est pas inconnue. Quand il dit al-istiwa ghair majhoul, c'est-à-dire elle n'est pas inconnue. Sa signification est connue. Et que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône. Il s'est élevé au-dessus de son trône. C'est ça que ça signifie. Donc la signification, elle n'est pas inconnue. Wal-kayfu ghair ma'qul. Et le comment? Comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône? La na'arifu kayf astawa. On ne sait pas comment il s'est élevé. Il dit donc que ce n'est pas quelque chose qui est compréhensible, ce n'est pas quelque chose qui est raisonnable pour nous. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala ne nous l'a pas dit dans la révélation, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous l'a pas expliqué dans la sunna. Donc on ne peut pas en parler, et on ne peut rien dire à ce sujet-là. Et il dit donc, alayna samt wal kaf. C'est-à-dire, on doit donc garder le silence à ce sujet-là et s'abstenir et s'arrêter. Wa min Allah ar-risala, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé ses messagers. Wa 'ala ar-rasul al-balagh al-mubin, et il incombe au prophète ou au messager de transmettre d'une manière claire. Wa 'alayna at-tasdiq, et qu'est-ce qui est obligatoire pour nous? C'est la transmission, c'est de croire, c'est d'accepter et de croire en ce qui a été transmis par le messager. Hada wajibuna, c'est ça qui est obligatoire pour nous, de croire en ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis, nous a ramené, et qu'on s'y soumette et qu'on le suive. Donc si on a su sa signification, on remercie Allah et on glorifie Allah d'avoir compris et d'avoir connu cette signification-là. Et si on n'arrive pas à le connaître, eh bien, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et on dit, Allah sait mieux que nous. Allah sait mieux. Wa hakadha qawlu Malik kama ya'ti. Al-istiwa ghair majhoul. Wal-kayf ghair ma'qul. Wal-imanu bihi wajib. Wa hakadha yurwa an Salama, Umm al-mu'minin. رضي الله عنها هذا المعنى مثل ما قال ربيعة ومالك وهكذا القول في جميع الصفات الرحمة والقدرة والعلم والسمع والبصر والضحك والرضا وغير ذلك كلها معلومة أما الكيف فغير معقول لا نكيف صفات ربنا لا نكيف صفات ربنا ليس عندنا علم من ذلك لكن نؤمن بها ونقرها كما جاءت وأنها حق وأنها ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كما قال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال وليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد إلى غير ذلك وهذا هو الواجب عند أهل السنة والجماعة أما ما سلكه الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع من التأويل والتعطيل فهو باطل عند أهل السنة والجماعة Donc le cheikh il dit que cette parole elle est également transmise par l'imam Malik, comme on va le voir, comme ça va venir. Il a dit al-istiwa ghair majhoul. L'istiwa, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône, c'est une signification qui n'est pas inconnue. Hein? On connaît sa signification. Wal kayf ghair ma'qul. On ne peut pas comprendre ou on ne connaît pas le comment. Wal imanu bihi wajib. C'est-à-dire que c'est obligatoire d'y croire. Wahakada yurwa an Salama. C'est également transmis, cette parole attribuée à Salama. Yurwa. Hein, c'est attribué à Salama, radiallahu anha, la mère des croyantes, la mère des croyants. Et c'est la signification, de ce qu'a dit, donc, Rabi'a et Malik. Donc, pour dire que c'est également transmis, ou attribué à une des mères des croyants, Salama, radiallahu anha. Et donc, cette parole que l'imam Malik a dit à propos de l'attribut de Al-Istiwa, on doit également la dire à propos de toutes les autres attributs qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, c'est-à-dire, on le dit à propos de la miséricorde, à propos de la puissance, à propos de la science, à propos de l'ouïe, à propos de la vue, à propos du rire, à propos de l'agrément et de la satisfaction, et ainsi de suite. Hein? Donc, c'est-à-dire, on va dire, par exemple, Al-Rahma, Ghair Majhoul. والكيف غير معقول والإيمان به واجب. C'est-à-dire, tu vas dire la même chose. La miséricorde, elle n'est pas inconnue. On sait qu'est-ce que ça signifie. Et le comment n'est pas compréhensible. On ne le connaît pas. Et al-iman bihi wajib. C'est obligatoire d'y croire. La même chose pour al-qudra et al-ilm et al-sam' et al-basar et al-dahik. Ainsi de suite. Elles sont toutes connues. On connaît leur signification, c'est des mots connus dans la langue arabe. Les Arabes utilisaient ces termes entre eux et ils comprenaient ce que ça signifiait. Donc il n'y a pas de problème au sujet de la connaissance du sens et de la signification. Qu'est-ce qu'on ignore par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est le comment de ces attributs-là. Hein? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc ces attributs-là, même si elles existent chez les créatures, chez les êtres humains, mais quand on les attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, elles ne sont pas pareilles et elles ne ressemblent pas à celles des êtres humains, donc elles sont différentes. Et c'est pour ça qu'on ignore le comment, hein, de ces attributs-là, mais on connaît leur signification, on sait qu'est-ce qu'elles signifient. Mais on ne cherche pas à savoir le comment ou à imaginer les attributs de notre Seigneur. Et on n'a pas de science à propos de ce genre de choses. Mais par contre, on doit y croire et on doit les affirmer comme elles sont venues, comme elles ont été transmises dans la révélation, et de savoir qu'elles sont véridiques et elles sont une vérité. Et qu'elles sont affirmées à Allah subhanahu wa ta'ala de façon authentique, hein, d'une manière qui lui convient. D'une manière qui lui convient, c'est-à-dire qui convient à sa grandeur et à sa majesté et à sa perfection, sans aucune forme de ressemblance, sans faire aucune forme de ressemblance entre lui, entre Allah et sa création, sans faire de négation, c'est-à-dire sans nier les attributs et sans les vider de leur sens, sans faire de taqif, c'est-à-dire de poser la question sur le comment, et sans faire de temthil, c'est-à-dire sans faire de ressemblance ou de comparaison. Et le cheikh il dit, comme c'est mentionné dans les versets, c'est-à-dire il y a des versets dans le Coran qui nous mentionnent que on n'a pas le droit de comparer Allah à sa création, on n'a pas le droit de faire de ressemblance entre Allah et sa création, et que Allah subhanahu wa ta'ala rien ne lui ressemble, et que Allah subhanahu wa ta'ala rien ne lui est équivalent ou semblable. Par exemple, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Ne faites pas des comparaisons, des analogies avec Allah subhanahu wa ta'ala. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. C'est-à-dire le verset 11 dans Surah Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Il n'y a rien qui lui ressemble, et il est l'audient et le voyant. » Donc il voit et il entend. il a une ouïe, il a une vue, mais son ouïe et sa vue ne sont pas comme celles de ses créatures. Hein? Son ouïe et sa vue sont parfaites et lui conviennent à lui, puisque yani, il est le Créateur et le Tout-Puissant. Le verset 4 dans Surat al-Ikhlas, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ, c'est-à-dire il n'y a rien qui lui soit égal, il n'y a rien qui est égal à lui, il n'y a personne qui est égal à lui et qui lui est comparable, ainsi de suite. Et il y a beaucoup d'autres versets comme ça, dans ce sens-là. Et le cheikh, il dit, donc c'est ça qui est obligatoire pour nous, selon Ahlus Sunnati wal Jama'a, selon les gens de la Sunna, les gens qui se sont rassemblés, qui se sont réunis sur la vérité, sur la Sunna. En ce qui concerne ceux qui ont suivi les voies des Jahmiyyah et des Mu'tazila, et d'autres également parmi les groupes de Bid'a, parmi les gens qui déforment les attributs et qui changent leur sens de la réalité, de ce qu'ils signifient, et qui cherchent à vider les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur sens réel, eh bien, bien entendu, tout ça, ce qu'ils font, c'est quelque chose qui est considéré comme étant faux selon les gens de la Sunna et de la Jama'a. Ensuite, il y a une autre parole qui est la parole de qui est rapportée selon Abu Shaykh al-Isfahani et Abu Bakr al-Bayhaqi, selon Yahya ibn Yahya. C'est justement le fait qu'il mentionne la parole de l'imam Malik, qui est la même ou semblable à celle de Rabi'a. Donc c'est la prochaine citation. Il dit Minha ma rawahu Abu Shaykh al-Isfahani wa Abu Bakr al-Bayhaqi an Yahya ibn Yahya. قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج انتهى كلامه. Donc ça c'est une parole qui est rapportée par Abu Sheikh et Abu Bakr al-Bayhaqi. On a déjà mentionné qui était l'imam al-Bayhaqi au dernier cours. Maintenant, on va juste mentionner une courte information à propos de Abu Shaykh al-Isfahani, c'était qui? Naam. Donc Abu Shaykh al-Isfahani, son nom c'est Abu Muhammad Abdullah ibn Muhammad ibn Ja'far al-Isfahani. Sahibu sunnah wa ittiba', c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'accrochait à la sunnah et qui suivait la sunnah. وقد رحل إلى بلاد عدة لسماع الحديث وبرع في علم التفسير. Donc c'est un homme qui a beaucoup voyagé pour entendre le hadith. Il est allé dans plusieurs pays et il était très calé, très fort dans la science du tafsir. وقال عنه الذهبي كان أبو الشيخ من العلماء العاملين صاحب سنة واتباع, انتهى كلامه. Donc l'imam al-Dhahabi, il dit à son sujet que c'était un des grands ulama ou un des ulama qui appliquait sa science, qui agissait selon la science, et il était quelqu'un qui s'accrochait à la sunna et qui s'accrochait au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est né en 274 et il est mort en 369. Il est mort en 369 et il a plusieurs livres qu'il a écrits. Parmi les livres qu'il a écrits, As-Sunnah et Kitab al-Azama et As-Sunan. Donc il a, parmi les livres qu'il a, il a ces trois livres-là. Naam. Donc Al-Bayhaqi, on a déjà mentionné qui il était. An Yahya ibn Yahya. Donc les deux ont cité la parole de l'imam, l'imam Malik selon Yahya ibn Yahya. L'imam Yahya ibn Yahya, c'est un grand imam parmi les salafs. Et on va lire donc qui était Yahya ibn Yahya. Il vient de Neysabour, de la ville de Neysabour. Donc il est al-Neysabouri, Abu Zakaria. Sa kunya c'est Abu Zakaria, al-Tamimi. كان حافظا مجودا يثني عليه الإمام أحمد كثيرا. Donc c'était un حافظ, quelqu'un qui mémorise, يعني qui mémorise la sunna, يعني et qui مجودا, يعني si je comprends le sens de cette expression, c'est probablement qu'il récitait le Coran et qu'il récitait avec une belle récitation. Et l'imam Ahmad faisait de lui de grands éloges. Il faisait de grands éloges à son sujet. Et il disait, قَالَ عَنْهُ الْإِمَامَ أَحْمَدْ مَا رَأَى النَّاسْ مِثْلَهُ مَا رَأَى النَّاسْ مِثْلَهُ انتهى كلامه. Donc l'imam Ahmad disait à propos de Yahya ibn Yahya al-Naysabouri, les gens n'ont jamais vu personne comme lui. Donc c'est pour dire que c'était quelqu'un d'exceptionnel et de grand dans la science. Il est né en l'an 141 et il est mort en l'an 226 de la Hijra. Donc ça fait partie des grands. Il fait partie des grands parmi les ulama des salaf. L'imam Yahya ibn Yahya. Et donc il cite, il dit, regardez qu'est-ce qu'il dit, subhanallah. Ça c'est fort, yani. Il dit, nous étions avec l'imam Malik. Imaginez que nous on serait capable de dire une chose pareille. Yani ce serait déjà juste de dire qu'on était assis avec l'imam Malik, qu'on était en sa présence ou assis à son dars, c'est déjà un honneur. C'est déjà un grand bien, un privilège même. Donc imaginez. Et c'est la même chose pour aujourd'hui lorsque quelqu'un parle, il dit, j'étais assis en présence de Cheikh Abdelaziz ibn Baz, ou j'étais assis en présence de Cheikh ibn Uthaymin, ou j'étais assis en présence de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, ou de Cheikh al-Fawzan, ou de Cheikh al-Luhaydan, ou d'un d'autre parmi les ulama. Juste le fait de pouvoir dire ça, c'est déjà quelque chose de très, très honorifique. Donc c'est quelque chose de bien. Et lui, il dit, j'étais avec l'imam Malik. Nous étions auprès de l'imam Malik, mashallah. Et un homme est venu et il a dit, oh Abu Abdullah. Abu Abdullah, c'est la kunya. Abu Abdullah, c'est la kunya de l'imam Malik. Il s'appelle Abu Abdullah. Donc il a demandé à l'imam Malik, oh Abu Abdullah. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, le verset 5 dans sourate Taha. Il lui demande à propos de ce verset. Kayfa istawa? Comment s'est-il élevé sur le trône? Comment est-il monté sur le trône? Alors l'imam Malik, il a pris sa tête comme ça et il a commencé à avoir de la sueur sur son front. Fa'alahu ar-rahda. Et ça, c'est à cause de la colère, parce que cette question l'a énervé, l'a mis en colère. فَعَلَاهُ الرَّحْضَى. Et il a dit, il a répondu par cette réponse célèbre, qui est bien connue par les gens de la sunna. Il a dit, ثُمَّ قَالَ الْإِسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولُ. Al-istiwa, c'est pas quelque chose qui est inconnu. Wal-kayf ghayru ma'qul. Et le comment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut connaître, qu'on peut comprendre par la raison ou connaître par la raison. Wal-iman bihi wajib. Et d'y croire, c'est quelque chose qui est obligatoire pour les musulmans. Was-su'al anhu bid'ah. Et de poser une question par rapport au comment des attributs d'Allah, c'est une innovation. وَمَا أَرَاكَ إِلَّا مُبْتَدِعًا. Je ne te vois que comme étant un innovateur. وَثُمَّ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُخْرَجَ. Puis ensuite, il a ordonné pour qu'il soit expulsé, ou pour qu'on le fasse sortir de la mosquée. Donc, ça c'est la réponse de l'imam Malik. Et en même temps, ça nous montre non seulement qu'il répond et qu'il réfute les paroles des gens de Bid'a qui essayaient de mettre des choubouhats au sujet des attributs d'Allah et des noms d'Allah, mais en même temps, comment ils traitaient les gens de Bid'a. Et comment ils avaient envers eux cette dureté et cette fermeté envers eux. Pas comme les gens d'aujourd'hui, parmi les Hizbiyin, qui sont toujours doux et mielleux avec les gens de Bid'a et qui sont durs et impitoyables avec les gens de la Sunna. Et qui même parfois les détestent et les insultent. Donc on voit deux poids, deux mesures de la part de ces gens-là. Ensuite, il y a une autre parole, une autre citation qui suit celle-là. C'est فَقَوْلُ رَبِيعَ وَمَالِكَ الْإِسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٌ وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٌ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْبَاقِينَ أمروها كما جاءت بلا كيف فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. Donc ici il dit, Ibn Taymiyyah, il explique, il dit la parole de Rabi'a et la parole de Malik qui disent que Al-Istiwa n'est pas inconnu, on connaît sa signification, وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٌ et le comment ne peut pas être connu rationnellement ou on ne peut pas le connaître par la raison, eh bien cette parole-là elle est en accord avec la parole des autres qu'on a mentionné dans les cours précédents qui disaient, il y a les salafs qui disaient amiruha kama ja'at bila kayf, c'est-à-dire prenez-les, ces textes, les textes des attributs d'Allah qui sont dans le Coran et dans la Sunna, laissez-les tels qu'ils sont venus, tels qu'ils sont mentionnés dans les textes, bila kayf, c'est-à-dire sans rentrer dans la question de poser comment sont ces attributs, comment sont ces noms, et ou sans essayer de les imaginer ou d'essayer de comprendre comment ils sont. Fa innama nafaw 'ilm al-kayfiyya, ils ont seulement nié la connaissance du comment et non pas la réalité de l'attribut elle-même. Ils n'ont pas nié la réalité de l'attribut elle-même. Ils ont seulement nié la connaissance du comment par rapport aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va voir ici qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là. C'est ça. Il y a une explication. Mais avant, on va juste continuer avec la parole de Cheikh al-Islam, parce qu'il y a d'autres arguments aussi, puis on veut que ce soit clair. Non. Ici, il y a une explication qui dit فَقَوْلُهُمْ أَمِرُّهَا كَمَا جَاءَتْ يعني أَمِرُّ الصِّفَاتِ كَمَا جَاءَتْ بِلَا تَفْسِيرٍ لِلْكَيْفِيَّةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي يُمَرُّ كَمَا جَاءَ هُوَ الَّذِي يُمَرُّ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعْنَى من حيث كونه كذلك وليس المراد قراءة ألفاظ تعقل معانيها لا تعقل معانيها ليس المراد قراءة ألفاظ لا تعقل معانيها فإذا قيل الاستواء معلوم ويمر على معناه فمرادنا إثبات معانيه فنقول الاستواء معناه الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع فهذا هو معنى امرارها كما جاءت. Donc quand les salafs ont dit, comme on a mentionné dans les paroles des imams dans le cours précédent, on avait mentionné cette parole là on avait mentionné la parole de l'imam al-Awza'i, on avait mentionné la parole de l'imam Makhoul et l'imam al-Zuhri qui ont dit justement Amiruha kama ja'at, également la parole de Malik ibn Anas, Sufyan al-Thawri, al-Layth ibn Sa'd et al-Awza'i qui ont dit Amiruha kama ja'at, laissez-les tels qu'ils sont, Amiruha kama ja'at bila kayf, sans poser la question, sans demander le comment. Donc toutes ces paroles-là, elles ont été rapportées de la part des salafs qu'on a mentionnés dans le dernier cours. Et donc, ici, le cheikh, il dit, le fait qu'ils disent, laissez-les tels qu'ils sont dans les textes, tels qu'ils sont venus dans les textes, amirruha, c'est-à-dire laisser les attributs d'Allah qui sont mentionnés dans les textes tels qu'ils sont, sans essayer de, d'interpréter le comment. Et c'est très, yani, il dit, c'est connu qu'une chose, lorsqu'on la laisse telle qu'elle est, hein, et qu'on la prend telle qu'elle est, c'est-à-dire on laisse sa signification telle qu'elle est, sans toucher à sa signification. Ça ne veut pas dire qu'on fait juste lire des mots, hein, qui ne peuvent pas être compris ou dont on ne peut pas connaître le sens ou la signification. Donc, lorsqu'on dit par exemple al-istiwa ma'loum ou al-istiwa ghair majhoul, comme l'imam Malik et l'imam Rabi'a ont mentionné, et qu'on dit on le laisse tel quel, c'est-à-dire qu'on laisse sa signification telle quelle, et on veut dire qu'on affirme cette signification-là. Donc, on va dire al-istiwa signifie, parmi les définitions de al-istiwa qui ont été mentionnées par les ulama de la langue arabe classique, ils ont dit que ça veut dire al-istiqrar wal-ulu wal-su'ud wal-irtifa. Donc, ça peut vouloir dire al-istiqrar, le fait de s'établir, al-ulu, le fait de s'élever, al-su'ud aussi, ça veut dire de s'élever, de monter, et à l'irtifa, c'est-à-dire de s'élever aussi. Donc c'est dans ce sens-là. Donc quand on dit amirruha kama ja'at, c'est-à-dire laissez-les dans le sens dont on, yani, qu'on connaît par rapport à ces attributs, à cet attribut-là, par exemple, par rapport à l'istiwa, on sait que ça veut dire ça, donc on le laisse tel quel, et on n'essaie pas de déformer ou de changer son sens. Ensuite, qu'est-ce qu'il mentionne, Cheikh al-Islam? Il ramène des arguments en même temps rationnels aussi pour supporter qu'est-ce que les salafs ont dit et pour yani, prouver que l'attitude des gens de bid'a qui nient le sens des attributs d'Allah, elle est fausse. Il dit « وَلَوْ كَانَ الْقَوْمُ قَدْ آمَنُوا بِاللَّفْظِ الْمُجَرَّدِ مِنْ غَيْرِ فَهْمٍ لِمَعْنَاهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِاللَّهِ لَمَا قَالُوا الْإِسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل يكون مجهولا بمنزلة حروف المعجم. Donc il dit, si les gens avaient uniquement, c'est-à-dire si c'est les salafs qu'on a mentionnés et qui ont dit ces paroles qu'on a lues ensemble, si la seule chose qu'ils faisaient eux, c'est de croire en des lettres et des mots sans connaître leur signification, et qui disent que ça c'est, yani, on fait juste croire aux lettres qui sont mentionnées dans le texte, mais on ne sait pas ce que ces lettres signifient, et on ignore la signification de ces lettres et de ces mots. Hein? Donc, si c'était juste de croire sans connaître la signification telle que cela convient à Allah, eh bien, ils n'auraient pas dit al-istiwa ghair majhoul. Hein? Ils n'auraient pas dit l'istiwa n'est pas inconnu, et ils n'auraient pas dit non plus le comment n'est pas compréhensible ou ne peut pas être connu par la raison, et ils n'auraient pas dit non plus amirruha kama ja'at bila kayf, c'est-à-dire ils n'auraient pas dit laissez-les ces textes tels qu'ils sont venus sans rentrer dans le comment ou sans poser la question au sujet du comment, parce que à l'istiwa, dans ce cas-là, ce ne serait pas quelque chose qui est connu. Ce serait quelque chose d'inconnu. Ce serait comme des lettres, hein, des lettres alphabétiques qui n'ont aucune signification pour eux. Et donc, pourquoi nier le comment de quelque chose que tu ignores, dont tu ignores le sens, hein? C'est ridicule de dire sans comment alors que tu ne sais même pas ce que ça signifie. Donc ça c'est un exemple d'argument que Cheikh al-Islam a mentionné. Donc ici il y a un petit commentaire par le Cheikh Saleh al-Sheikh. il dit لو كان السلف يجهلون المعنى لقالوا الاستواء مجهول ولكن لما قالوا الاستواء غير مجهول وفي بعض ألفاظها الاستواء معلوم فهذا يدل على أن معنى الاستواء على العرش يعلمونه وهذا فيه رد على هؤلاء. Donc qu'est-ce qu'il dit ici, cher Saleh? C'est un point vraiment intéressant. Il dit, si les salafs ignoraient la signification de Al-Istiwa, ils auraient dit Al-Istiwa majhoul. Hein, ils auraient dit Al-Istiwa, c'est quelque chose qu'on ignore. On ne sait pas ce que ça signifie. Mais ils n'ont pas dit Al-Istiwa majhoul. Ils ont dit Al-Istiwa ghair majhoul. Donc s'ils disent ghair majhoul, ça veut dire qu'ils savent qu'est-ce que ça signifie. Et dans certaines des narrations de cette parole, c'est écrit Al-Istiwa Ma'loum, c'est-à-dire Al-Istiwa, il est connu. Hein, on sait ce que ça signifie. Donc, yani, de fait, dire Ma'loum ou Ghair Majhoul, c'est la même chose. Hein, ça veut dire la même chose, ça veut dire que c'est connu. Et donc, ça indique que la signification de Al-Istiwa, à l'arche, hein, du fait que Allah, la signification du fait que Allah s'est élevé sur le trône, ils le connaissent. Hein. Et la preuve qu'on est en train de le traduire, hein, c'est la preuve même qu'on connaît sa signification. Parce que si on ne connaissait pas sa signification, on ne pourrait même pas le traduire en français ou en anglais ou en une autre langue. On serait obligé de laisser le mot toujours dans tel qu'il est en arabe. Et puis de se taire au sujet de sa signification, de ne pas le traduire du tout. Mais le fait qu'on est capable de le traduire, c'est parce qu'on connaît sa signification. Et ça, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, elle l'a mentionné dans les exemples précédents. On a parlé de la question de la traduction à ce sujet, par rapport à ça. Il dit « وَهَذَا فِيهِ رَدٌ عَلَى هَؤُلَى » Et il y a dans ça une réfutation de ceux qui nient la signification des attributs d'Allah. Naam. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il dit en plus de ça par la suite? Il dit وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. Il dit également comme argument pour répondre à ces gens-là, c'est de dire que on n'aurait pas besoin de nier la connaissance du commun, hein, on n'aurait pas besoin de nier la connaissance du commun, alaykoum salam wa rahmatullah, on n'aurait pas besoin de nier la connaissance du commun, puisque si on ne comprend pas le mot lui-même et sa signification, si on ne comprend pas la signification de ce mot-là, alors on n'a pas besoin de le nier. On a uniquement besoin de nier la connaissance du commun lorsqu'on a affirmé l'attribut et qu'on a connu sa signification. Donc c'est une autre réfutation de ces gens-là. Hein? وَهَذَا صَحِيح لِأَنَّهُ إِذَا أُثْبِتَ الْمَعْنَى أُحْتِيجَ إِلَى نَفِيَ الْكَيْفِيَّةِ أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَعْنَى غَيْرَ مَعْلُومٍ فَلَا يُحْتَاجَ أَنْ يُقَالَ بِلَا كَيْفٍ أَوْ الْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ لأنه يقال حينئذ الكيف غير معقول واللفظ ها واللفظ أيضا غير مفهوم والمعنى غير مفهوم فالحاصل أن المعنى لو كان غير مفهوم لما احتاج إلى نفي الكيفية ولما نفى الكيفية ولما نفى الكيفية دل على أن المعنى معلوم. Donc c'est ça. Ça dit oui, c'est vrai, effectivement. Hein, parce que si on a affirmé, c'est quand on affirme la signification de l'attribut qu'on a besoin de nier le commun. Mais si on dit par exemple, la signification n'est pas connue, dans ce cas-là on n'a pas besoin de nier le commun. Par exemple, si on dit, on n'aurait pas dit sans commun ou sans affirmer le commun ou sans mentionner le commun. Parce que le commun ne peut pas être connu. Hein, on n'aurait pas dit le commun ne peut pas être connu. Et donc on n'aurait pas dit dans ce cas-là le commun ne peut pas être connu ou on ne connaît pas le commun. On aurait nié le comment et la compréhension et la signification en même temps. Mais étant donné qu'on a affirmé la signification, c'est pour ça qu'on a besoin de nier le comment. C'est un argument très, très fort, Yanni, pour réfuter ces gens-là qui n'affirment pas les attributs d'Allah et qui prétendent qu'on ne connaît pas la signification. Il dit « Wa aydan fa inna man yanfi as-sifat al-khabariyya aw as-sifat mutlaqan la yahtaj an yaqul bila kayf. فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. Donc un autre argument que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah amène, qui est plus général, c'est de dire celui qui nie les attributs al-khabariyya, les attributs qui ont été mentionnés dans la révélation, ou bien les attributs de façon générale. Eh bien, yani ceux qui nient les attributs al-khabariyya, as-sifat al-khabariyya, ça c'est les ash'a'ira, les maturidiyya. Ils affirment seulement les attributs qui sont soi-disant compréhensibles, qu'on peut comprendre par la raison ou par la logique. Hein? Comme par exemple, yani la science, la vue, l'ouïe, la puissance, la sagesse. Ils affirment ces attributs-là parce qu'ils disent qu'on peut les affirmer rationnellement et logiquement. Mais les autres attributs, comme al-istiwa, al-dahik, le rire, al-nuzul, et al-rahma, et ces attributs-là, ils les affirment pas, ils les nient. Parce que c'est des attributs qui sont khabariyya. On peut les connaître uniquement par la révélation. Si Allah subhanahu wa ta'ala les avait pas révélés dans la révélation, on n'aurait pas pu les connaître. On les connaît uniquement parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous les a mentionnés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cités. Hein? Donc, celui qui nie les attributs qui sont mentionnés par la révélation, ou bien qui nie les attributs de façon générale, peu importe, comme les Mu'tazila, et les Jahmiyyah, ils nient toutes les attributs sans exception. Alors, dans ce cas-là, si c'était ça, la voie des salafs, alors ils n'auraient pas dit sans mentionner le comment. Puisque, si Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sur son trône, donc on n'a pas besoin de dire sans comment. Puisqu'on a déjà nié l'attribut au complet. Donc, si la voie des salafs c'était de nier les attributs, dans cette affaire-là, donc ils n'auraient pas dit bila kayf, ils n'auraient pas dit sans affirmer le comment. Et donc on a lu ça. Après, le prochain point qui est mentionné par Ibn Taymiyyah, un autre argument encore. Aidan fa qawluhum amirruha kama ja'at yaqtadi ibqa'a dalalatiha ala ma hiya alayhi fa innaha ja'at alfadhan دالة على معان فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. Donc ici le cheikh il dit également leurs paroles, les salafs quand ils ont dit laissez les textes tels quels, les textes des attributs d'Allah, laissez-les tels qu'ils sont venus, tels qu'ils ont été affirmés, sans y en aller comment. Donc quand ils disent laissez-les tels quels, ça implique de laisser ce que ces attributs-là indiquent tel qu'elle est. Hein, l'indication de ces attributs et la signification, laissez-les tels qu'elle est. Hein, parce que ces attributs-là et ces mots-là sont venus et ils indiquent des significations. Hein, ces termes-là et ces mots-là indiquent une signification. Et quand on dit laissez-les tels quels, ça veut dire affirmer les tels qu'ils sont selon leur signification qui est connue. Et si leur signification était niée, alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui aurait été obligatoire de dire? C'est pas Amirruha Kamajat. Plutôt, ils auraient dû dire, laissez les termes, ou prenez les termes qui sont mentionnés, tout en croyant que qu'est-ce qu'on comprend de ces textes-là n'est pas voulu. Hein, ils auraient dit ça. Ils auraient dit, prenez les attributs, en croyant que qu'est-ce qui est compris de ces attributs-là n'est pas voulu. Ou bien ils auraient dit, prenez ces textes, hein, et ces mots, tout en croyant que Allah ne doit pas être décrit par ce qui est indiqué par le sens réel de ces attributs-là. Hein? C'est ça ce qu'ils auraient dit à la place. Et dans ce cas-là, ça n'a rien à voir avec le fait de les laisser tels qu'ils sont. On n'aurait pas dit que ça veut dire de les laisser tels qu'ils sont. Et dans ce cas-là, on n'aurait pas dit non plus sans affirmer le comment, ou sans mentionner le comment, ou parler du comment. Puisque de nier le commun à propos de quelque chose qui n'est pas affirmé, c'est quelque chose d'absurde. Tu ne peux pas nier le commun de quelque chose que tu nies, que tu n'affirmes pas déjà en partant. Hein, c'est une contradiction. Donc tu ne peux pas nier le commun si tu n'affirmes pas la signification. C'est ça que ça signifie. Donc ça serait une parole insensée de dire ça. Donc on voit comment Ibn Taymiyyah a ramené plusieurs arguments pour montrer l'absurdité et la fausseté de la méthodologie des gens de tahrif et des gens de ta'wil et des gens de tafwid, hein, pour leur prouver que le fait qu'ils nient la signification des attributs, que ça c'est totalement ridicule et c'est contraire à la réalité de ce que faisaient les salafs salih. Cheikh Ibn Baz, il dit à ce sujet-là, قال سماحة الشيخ ابن باز كل هذا واضح المعنى أن السلف إنما أرادوا إثبات المعنى وأنه حق ولهذا قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف وقالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول فعلم بذلك أنهم أرادوا أنها صفات حق وأنها ثابتة وأن الواجب إمرارها معنى ولفظا من غير تكييف ولا تمثيل فقوله سبحانه إن الله سميع بصير هذا سمع حقيقة أو سمع حقيقة وبصر حقيقة سمع حقيقة وبصر حقيقة لكن لا نكيفه ولا نعلم كيفيته ولا نمثله بصفات المخلوقين كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهكذا قوله الرحمن على العرش استوى وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر وقوله إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها إلى غير ذلك. أي نعم. Donc Cheikh Ibn Baz, il dit à propos de cette parole, il dit tout ça c'est clair, tout ce qu'on vient de mentionner, la signification de ça c'est clair, que les salafs, lorsqu'ils voulaient parler des attributs d'Allah et de les prendre tels quels, sans le commun, ça veut dire d'affirmer la signification de ces attributs-là et que ces significations-là sont réelles et sont vraies. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, prenez-les, ces textes, et laissez-les tels qu'ils sont, sans demander le commun ou sans questionner au sujet du commun. Laissez-les tels qu'ils sont venus. Et ils ont dit, al-istiwa, ce n'est pas inconnu. La signification, c'est connu de ce mot-là. Et le commun n'est pas compréhensible. On ne peut pas savoir le commun ou connaître le commun rationnellement. Donc, on sait par là qu'ils ont voulu dire par là que les attributs d'Allah sont véridiques. et qu'il est, et qu'il faut les affirmer, et que c'est obligatoire pour nous de les affirmer et de les prendre telles quelles dans leur signification et également dans, dans leurs lettres également. Sans faire de taqif, sans faire de tamthil, c'est-à-dire sans chercher à comprendre le comment et sans faire de yani, comparaison et essayer de comparer Allah avec sa création ou de yani, faire des ressemblances entre le Créateur et la créature. Et il dit que ça s'est établi dans plusieurs versets dans le Coran, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est l'audient et le voyant. Et il a donc une ouïe réelle et une vue réelle. Mais on ne doit pas rentrer dans le commun. Et on ne sait pas non plus le commun de l'ouïe ou le commun de la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour des créatures, on sait comment hein, est l'ouïe, comment est la vue de, des êtres humains ou des animaux. Mais on ignore cela pour le Créateur, pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il ne nous l'a pas dit. Il ne nous en a pas parlé dans la révélation à propos du commun. Et donc, on se limite et on s'arrête à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Et on ne fait pas ressembler les attributs des créatures aux attributs d'Allah. On ne compare pas Allah avec les attributs des créatures. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Et ainsi, lorsqu'il dit que le tout miséricordieux est élevé sur le trône. Et également lorsqu'il dit, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. La satisfaction d'Allah, c'est pas la même, la satisfaction d'Allah pour eux, c'est pas la même chose que leur satisfaction d'Allah par rapport à Allah. La satisfaction d'Allah, c'est quelque chose qui convient à Allah. Et la satisfaction des créatures, c'est la satisfaction qui convient aux créatures. Mais ar-rida pour Allah, c'est pas la même chose que ar-rida pour la créature. Il faut comprendre que il n'y a pas de comparaison possible. Puisque le créateur est parfait et la créature n'est pas parfaite. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, et également une preuve parmi les preuves à ce sujet-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah rit de deux personnes. L'un des deux a tué l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala rit de deux personnes, l'un des deux a tué l'autre. Et la fin du hadith c'est « et les deux rentrent au paradis ». Il y a un hadith comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala rit de deux personnes, un des deux a tué l'autre et ils rentrent tous les deux au paradis. L'autre hadith qu'il a mentionné, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait du serviteur qui mange quelque chose et qui remercie ou glorifie Allah subhanahu wa ta'ala pour ça, pour cette chose, ou qui boit un breuvage ou quelque chose et qui remercie et qui glorifie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette chose qu'il boit. Donc c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de ar-rida et que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de du rire. Allah subhanahu wa ta'ala il rit. Mais les gens de Bid'a comme les Asha'ira, les Maturidiyya, sans parler des Mu'tazila et des Jahmiya, eux ils n'affirment pas ça. Ils disent on ne peut pas affirmer le rire à Allah parce que ça impliquerait que yani, si et ça, si et ça. Donc ils font plein d'implications. Et toutes ces implications qu'ils font sont des implications qui veut dire en fait qu'ils essaient d'imaginer Allah dans leur esprit. Et le fait qu'ils essaient d'imaginer Allah dans leur esprit, ils font de tashbih. Ils font une ressemblance entre le Créateur et la créature. Et donc, pour sortir ou s'enfuir de cette ressemblance qu'ils ont fait entre le Créateur et la créature, eh bien, ils passent au ta'til. C'est-à-dire, ils passent à la négation des attributs par la suite. Puisqu'ils disent, on ne peut pas dire ça d'Allah, donc il faut le nier. Il faut nier l'attribut à la place. Et c'est comme ça qu'il tombe dans les gammes. Donc le premier hadith, Yadhakullah ila rajulain, ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Al-Kafir yaqtul al-Muslim, thumma yuslim, fa yani yusaddid ba'dahu, yani yasdud ba'dahu, yani ba'da يعني بعد ذلك ويقتل. C'est-à-dire le kafir, il est mécréant. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari, le chapitre c'est ça. Le kafir qui tue un musulman. On va dire ils sont dans le djihad ou quelque chose comme ça, les musulmans sont dans le combat, un kafir tue un musulman, donc ce musulman inshallah il va au paradis. Maintenant ce kafir par la suite il se convertit à l'islam, ok, et il devient un bon musulman, puis lui aussi se fait tuer, alors il rentre lui aussi au paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala rit à ces deux hommes là un des deux a tué l'autre. Et Cheikh Ben Baz il dit ensuite fal maqsoud annaha sifat yajib ithbatuha kama ja'at an Allah wa an rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ala al-wajh al-la'iq billah min ghayri tahrif wa la ta'til wa la takyif wa la tamthil. Hadha qawlu ahli as-sunnah wal jama'ah min ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qu'on veut dire, le but de mentionner tout ça c'est d'expliquer que Allah subhanahu wa ta'ala, que ces choses là c'est des attributs d'Allah, ces attributs qu'on a mentionnés sont des attributs d'Allah et que c'est obligatoire de les affirmer telles qu'elles sont venues dans les textes de la part d'Allah ou de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam, selon la manière qui correspond à la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire de tahrif, c'est-à-dire sans déformer le sens des attributs, sans faire de ta'til, c'est-à-dire sans tomber dans la négation ou vider les attributs de leur sens, et sans faire de takif, c'est-à-dire de chercher à connaître le comment de ces attributs-là, et sans faire de tamthil, c'est-à-dire sans faire de comparaison ou de ressemblance entre les attributs du Créateur et les attributs de la créature. Wa hadha qawlu ahli sunnati wal jama'a. C'est ça la position de ahli sunnati wal jama'a en partant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis de la façon la meilleure par la suite. Naam, donc le cheikh Salih صالح الشيخ الذي وهذا واضح تمام الوضوح. Il explique le même passage. Il dit هذا واضح تمام الوضوح لأن قول السلف أمروها كما جاءت فيه إثبات المعنى وقولهم بلا كيف دليل آخر على أنهم يثبتون المعنى لأن من لا يثبت المعنى لا يحتاج أن يقول بلا كيف وإنما الذي يحتاج إلى أن ينفي الكيفية من يثبت المعنى فلما نفى السلف الكيفية في إثبات الصفات دل ذلك على أنهم يثبتون المعنى ولكن ينفون العلم بالكيفية وهذا ظاهر أيضا في قول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول يعني علمه فإن الاستواء في لغة العرب يدل على العلو يقول العربي إذا كان مرتفعا استوي إلي يعني ارتفع إلي استوي على الدابة يعني أعلو عليها استوي على الكرسي يعني أعلو عليه وعلى هذا قول الله جل وعلا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك يعني علوتم على الفلك واستقررتم عليها. Donc ça c'est l'explication du Cheikh Salih al-Sheikh. Il dit ça, c'est qu'est-ce qu'on a mentionné comme argument de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah au sujet du fait qu'il faut affirmer la signification des attributs d'Allah telle qu'elle est venue. Ça c'est clair, de la plus grande clarté possible. Pourquoi? Parce que la parole des salafs, quand il dit prenez les textes, les attributs d'Allah, prenez-les tels qu'elles sont ou tels qu'elles sont venues, il y a dans le fait de dire ça l'affirmation de la signification des attributs. Et le fait qu'ils disent sans le commun ou sans chercher à connaître le commun, il y a une autre preuve supplémentaire encore pour affirmer la connaissance de la signification des attributs. Parce que celui qui n'affirme pas la signification n'a pas besoin de dire sans connaître le comment. Celui qui a besoin de nier le comment, c'est celui qui affirme la signification. Et donc, étant donné que les salafs ont nié le comment, et c'est-à-dire lorsqu'ils ont affirmé l'attribut, ils ont nié le comment, et ça c'est la preuve qu'ils ont affirmé la connaissance de la signification. Toutefois, ils nient la connaissance du comment. La connaissance du comment, les salafs le nient. Et c'est ça le sens de la parole de Rabi'a et de Malik, hein, des deux imams, lorsqu'ils disent al-istiwa ghair majhoul, c'est-à-dire le fait de s'élever au-dessus de son trône, c'est pas quelque chose qui est ignoré dans la langue arabe. Le terme istiwa, il est connu. Parce que le terme istiwa dans la langue arabe indique tout ce qui a rapport avec l'élévation et le fait de s'élever. Donc, istawi, il donne des exemples de phrases qui sont employées par les Arabes dans la langue arabe lorsqu'ils utilisent le verbe istawa. Il dit par exemple, lorsque un Arabe est à une position élevée, il dit istawi ilayya. Yani irtafi' ilayya, c'est-à-dire si il est en haut de quelque chose, il dit à quelqu'un qui est en bas istawi ilayya, c'est-à-dire monte vers moi. Si par exemple il est sur sa monture, hein, ou bien il veut monter sur sa monture ou sur son chameau ou sur son cheval ou quelque chose comme ça, il dit u'lu 'alayha, hein, il dit monte sur elle, c'est-à-dire monte sur le cheval, monte sur le chameau, monte sur la monture. Istawi ala al-kursi, c'est-à-dire monte sur la chaise, ou bien u'lu alayh, c'est-à-dire monte dessus, élève-toi dessus. Et c'est là que on voit la signification de ça dans sourate al-mu'minun, dans le verset 28. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit fa idha stawaita, il parle à Nuh alayhi salam. Il dit fa idha stawaita anta wa man ma'aka ala al-fulki. Lorsque tu auras monté, toi ainsi que ceux qui sont avec toi sur le bateau, hein, sur l'arche, hein, c'est-à-dire lorsque vous serez monté sur le bateau et que vous serez installé dessus. Donc tout ça c'est des exemples pour montrer l'affirmation de la connaissance de la signification des attributs d'Allah. Toutefois, on nie le comment parce que le comment il est impossible à connaître. On ne veut pas le connaître. Et donc ça réfute les mufawwida. Parce que les mufawwida, eux, pensent que les mots qui ont rapport avec les attributs d'Allah dans le Coran, c'est des mots comme qui sont des mots en chinois. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ignorait leur signification, de même que les sahaba ignoraient leur signification. Hein? Et donc, pour eux, on ne peut pas connaître le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il considère ça comme faisant partie de qu'est-ce qui est mutashabih, dans le sens qu'on ne peut pas le connaître et que c'est Allah seul qui connaît la signification de ça. Alors qu'on a expliqué dans les cours précédents que ça ne fait pas partie des mutashabih. Qu'est-ce qui fait partie des mutashabih dans les attributs d'Allah? C'est le comment, la connaissance du comment. Mais la connaissance de la signification elle-même ne fait pas partie des mutashab, et ça fait partie des muhkamat, parce que c'est des choses qui sont claires, qui sont connues dans la langue arabe. Et donc, celui qui nie le comment sans affirmer la signification, il se contredit lui-même, il tombe dans la contradiction et il dit quelque chose d'absurde. C'est ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah est en train d'expliquer en fait ici. Ensuite de ça, il y a un long passage. On va le lire ensemble, Inch'Allah. Ah, mais c'est... On va prier. Tu vas pas rester pour le dhuhr? Ah, d'accord, tu vas aller recharger. D'accord. Ouais, il y a plusieurs rues comme à côté, là. Ou bien l'autre côté de Queen Mary. Tu vas trouver des endroits où tu dois pas payer, t'as pas besoin de payer. D'accord, pas de problème, Marie. Naam. Naam, donc ensuite, qu'est-ce qu'il mentionne le cheikh? Il mentionne une autre parole. Il dit Rawal Asram fi Sunnah wa Abu Abdullah ibn Battah fi Ibana wa Abu Amr al-Talmanki wa ghayruhum bi isnad sahih an Abd al-Aziz ibn Abdullah ibn Abi Salama al-Majishun. Donc on est arrivé maintenant à la parole de l'imam Ibn al-Majishun. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera, Inch'Allah, la prochaine fois, avec la lecture et l'explication de la parole de l'imam Ibn al-Majishun, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين